Encore une belle journée, pour écouter la radio, tout en conduisant, tout en faisant du vélo, tout en marchant. Ou peut-être vous êtes dans un café et vous êtes à l'émission Le Grain de Sable. Vous savez, ça fait plus de 12 ans qu'Attaque Québec s'attache à donner aux citoyens comme vous, auditeurs, chers auditeurs, des outils pour qu'ils puissent se réapproprier les débats qui les concernent. Et les débats qui nous concernent aujourd'hui, bien, c'est le partenariat transpacifique. En deuxième demi-heure, nous aurons Jacques Bégilina avec nous en studio pour parler de cette entente. Vous avez sûrement entendu parler. Qu'est-ce qui va arriver avec la gestion de l'offre? Est-ce que ça va toucher les producteurs laitiers? Bon, on aura une productrice laitière, comme on pourrait appeler, ou en tout cas qui fait partie d'une famille de producteurs laitiers, avec nous en deuxième demi-heure. Donc, pour donner, on pourra lui poser des questions concrètes. D'ailleurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous téléphoner au 418-640-1586 et retenez ce numéro. 418-640-1586, parce que nous ferons tirer une revue Relations. Et dans cette revue, vous pourriez voir une annonce à la page 29, une soirée lancement du numéro Danger, Impasse du progrès de la revue Relations. Sortir des impasses du progrès, et nous avons deux invités avec nous en studio, impatients et impatientes de répondre à nos questions sur ce sujet. D'ailleurs, Dominique Bernier, militante écologiste, altermondialiste et chroniqueuse, que je pourrais dire quasiment hebdomadaire à l'émission Le Grève de Sable. Salut, Jean. Salut. François l'Italien, n'ajustez pas vos appareils, vous n'êtes pas assez Coya, l'émission L'Alternative économique. Si vous entendez la belle voix de François l'Italien, vous êtes bien à l'émission Le Grain de Sable. Alors, pendant plus de deux ans, ils ont fait une belle émission, L'Alternative économique. Et d'ailleurs, probablement que vous auriez parlé du Pacifique à cette émission. Bienvenue François l'Italien, sociologue, chercheur à l'Institut de recherche en économie contemporaine d'IREC. Bonjour. Bonjour. Eh bien oui, sortir des impasses du progrès, on va en parler après notre pause musicale, mais juste donner le goût un peu à Dominique et François, de qu'est-ce qu'on va parler de cette soirée-là en 30 secondes? Ben, en fait, moi, je vais aborder la question des fausses solutions technologiques pour régler la crise environnementale. On en voit de plus en plus, on en entend dans les médias, notamment hier, l'annonce de plus de 100 000 nouveaux véhicules électriques qui seraient mis sur les routes au Québec. Est-ce que c'est une bonne idée? Et plus largement, je pense, on va aborder la question à la racine, la question du progrès, parce que c'est quand même une notion, un concept qui est assez chargé symboliquement. Qui est très très très lourd au niveau de l'imaginaire qui porte, et en fait on risque de s'entendre sur le fait qu'il y a eu une sorte de renversement, et que ce qu'on entendait à l'époque comme progrès, comme quelque chose de associé à la justice, est en fait devenu quelque chose qui menace les sociétés et la justice elle-même. Donc, on aura le temps d'en parler après notre pause musicale. Donc, c'est pour préparer, vous inviter à cette soirée lancement du numéro Danger, Impasse du progrès de la revue Relations, qui se fera mercredi 14 octobre prochain de 19h à 21h30. Vous pourrez entendre François l'Italien, Dominique Bernier et Jean-Claude Ravet, rédacteur en chef de la revue Relations. Pour ceux qui sont habitués, c'est une activité en collaboration avec les Amis de la Terre de Québec, au lieu que vous connaissez, le Centre culturel et environnement Frédéric Bach. Et d'ailleurs, c'est un lieu, vous savez, François et Dominique, qui regroupe beaucoup de groupes environnementaux. C'est le Centre culturel et environnemental Frédéric Bach, en l'honneur de ce grand cinéaste qui a gagné des Oscars avec ses dessins d'hommes qui plantaient des arbres et autres. Ben, et écoutez, beaucoup de ces groupes écologistes-là ont vu vraiment comme très bienvenue cette loi anti-SLAP, anti-poursuite de grands groupes, si on pourrait dire, contre des petits groupes, souvent écologistes, et des grands groupes, souvent des transnationales de ce monde. Et un des avocats qui défendait souvent ces grandes entreprises, ben c'est ce qu'on pourrait appeler Maître Marcel Aubu. Alors, j'aimerais dire bonjour à Monsieur Aubu, et justement, dans ce progrès que notre société a connu entre l'évolution des relations entre hommes et femmes, eh bien, des mononcles Marcel, on n'en veut plus, on n'en veut pas, et oui, on accepte ses excuses, mais vous savez, les gens du plateau sont bien énervés cette semaine à Montréal, ceux qui surveillent le blog du plateau, ils ont découvert une chanson qui a peut-être été écrite il y a 35 ans, mais je pense que c'est en honneur de notre Marcel national. Besoin de me siffler si tu veux me parler. T'as rien qu'à m'approcher, facile à aborder. Jamais mordu personne, pas même au téléphone. Mais si tu veux m'enquiquiner, ça va arriver. Pas besoin de me glisser ta grosse main sur les fesses en essayant de prouver que c'est ça de la tendresse. Jamais frapper personne, mais l'occasion est bonne. Si t'arrêtes pas de me tripoter, ça va arriver. Ton affaire, quand tu es trop diplômé pour être ta secrétaire. Jamais baisé personne, mais bien connu les hommes. Si t'essayes de m'embobiner, ça va arriver. Surtout si ton argent devient de ta maman. Jamais cru un instant que t'étais fainéant. Si tu continues d'insister, ça va arriver. Si tu veux m'embrasser, t'as rien qu'à t'essayer, ne suis jamais armée. Jamais jugé d'un homme sur sa virilité. Si tu continues d'en douter, ça va arriver. Eh bien, vous avez peut-être reconnu la voix de Denise Guénette. C'est un petit clin d'œil à Maître Marcel Aubu, qui a fait ses excuses à ses trois filles, je pense, et à sa femme. Semble-t-il, d'après les experts, pour faire de vraies excuses, il faut le faire nominativement. Autrement dit, la personne qui était touchée par ce harcèlement sexuel qui s'est produit dans son milieu de travail et de spécifier les gestes qui ont été faits, ce qui n'ont pas été faits dans sa conférence de presse. Donc, on salue Maître Aubu et à tous ceux qui ont pu gagner justement un combat contre Maître Marcel Aubu pour protéger les petits organismes et ses poursuites contre des grandes compagnies, contre les petits groupes écologistes qui ont leur siège au centre Frédéric Bach, où on aura une activité avec François L'Italien, Dominique Bernier et Jean-Claude Ravel. D'ailleurs, dans la revue Leur Relation, qu'on va vous faire tirer, si des gens veulent appeler au 418-640-1586 pendant les pauses musicales ou de publicité, vous pourrez vous mériter une revue dans laquelle on a un texte très intéressant de Jean-Claude Ravet, « Danger, impasse du progrès », de Danny Robert Dufour, « Le capitalisme révolutionnaire », Yves-Marie Abraham, qu'on aura dans cette première partie d'émission, après les commentaires de François et de Dominique. Il signe un texte, « Les fausses promesses de la technoscience », donc des textes très, très intéressants, et qu'on aborde donc des questions. Comment sortir des impasses du progrès? Sur quoi au Québec devrait-on s'appuyer pour sortir de l'impasse, François L'Italien? Une grosse question. En fait, d'abord et avant tout, je pense qu'il importe de bien placer le ballon pour savoir de quoi on parle, le mot progrès, comme je le disais tout à l'heure, c'est un terme qui est quand même assez chargé de sens, assez lourd de signification. Puis, d'un point de vue sociologique, à tout le moins, je pense qu'on peut faire une distinction entre le progrès avec un grand P et le progrès avec un petit P. Et je m'explique, vous savez, pendant plusieurs siècles, on a vécu en Occident un processus révolutionnaire qui a opposé le monde moderne, la bourgeoisie, les Lumières au monde de la tradition, hein, qui était essentiellement défendu par tous les tenants de la, que ce soit la monarchie, la principauté ou la scolastique et le clergé, pour, on va dire, de manière très schématique. Et ce qu'on appelait le progrès, c'était l'idéologie que la bourgeoisie, que le monde moderne mettait de l'avant pour fonder, refonder un ordre social qui soit plus juste, ou à tout le moins qui soit basé sur des institutions rationnelles, où le primat de la liberté individuelle et la capacité collective de maîtriser le destin de la société allait être mis à l'avant-plan. Et on pourrait dire, d'une certaine manière, que la devise française qui a été à l'avant-plan de la Révolution française, liberté, égalité, fraternité, c'est le fin mot de cette idéologie du progrès-là. Or, il se passe quelque chose, quelque part au 18e, 19e siècle, c'est que une fois la bourgeoisie bien installée, une fois les Lumières enseignées, il se produit une sorte de renversement, c'est qu'en fait, on parle de moins en moins de justice, on parle de moins en moins de créer un ordre qui soit juste, qui soit davantage conforme aux finalités de la raison, et on parle de plus en plus des moyens, hein, ce qu'on va appeler donc le progrès avec un petit p, c'est un moment spécifique de l'histoire où là, on va davantage mettre l'accent sur les moyens techniques. Ce qu'on va appeler progrès, ça va être davantage, est-ce qu'on peut être en mesure de contrôler, manipuler, bien gérer éventuellement un domaine de la vie, et en particulier, le domaine de la vie économique va être le premier où ça va surgir. Donc, avant la question du progrès qui se pose aujourd'hui, c'est une question qui tend de plus en plus à nous échapper en termes de justice, mais qui s'impose en termes de moyens, et le champion, le navire amiral de la logique qui assène les moyens les uns par-dessus les autres, c'est évidemment le capitalisme. Oui, c'est intéressant de penser en termes de capitalisme là, pour qui définit en fait la notion de ce qu'est le progrès de plus en plus, ben, depuis un certain temps quand même, mais ça se manifeste encore de façon plus marquée là, depuis 30 ans, on pourrait dire, là, depuis le début de l'ère néolibérale, si on veut. Et c'est assez intéressant ce que tu dis, François, parce qu'il y a un siècle environ, une bonne partie du 20e siècle, on mesurait le progrès social en termes d'énergie consommée par capita. Donc, de carburant utilisé, très souvent, de charbon, pour une partie du 20e siècle et dans certains pays. Donc, c'était la mesure. Plus on consommait d'énergie, plus on considérait que le progrès social était avancé. On se rend compte que dans un contexte de changement climatique, ça fait plus vraiment de sens là, de mesurer, d'utiliser ce critère-là, en fait. Et il y a de plus en plus, les moyens s'imposent et puis les moyens viennent des moyens découlent la fin, alors que ça devrait être l'inverse, on dirait. Et c'est un peu le cas quand on voit des technologies comme la voiture électrique qui est très intéressante, mais qui vise quoi avant tout? Est-ce que ça vise vraiment à réduire notre production de gaz à effet de serre, ou est-ce que ça vise pas plutôt à nous maintenir dans l'illusion qu'on peut continuer avec le mode de vie qu'on a actuellement sans rien changer, et que la science et la technique vont répondre de manière efficace aux défis qui se posent? C'est sûr que d'acheter une voiture électrique, c'est avantageux pour l'environnement, ça diminue l'émanation des gaz à effet de serre, mais on a encore l'habitude de prendre une voiture, donc de consommer une voiture, d'acheter des pneus. C'est sûr qu'il y a moins de changements d'huile à faire avec une voiture électrique. Il y a moins de liquide. Enfin, il n'y a pas de liquide. Donc, il y a moins d'entretien. C'est connu, même si c'est plus dispendieux. On reste encore dans ce paradigme où on roule avec une voiture. On n'est pas en train de marcher sur la rue. On n'est pas en train de déménager près de son travail pour ne pas avoir à prendre de voiture. Effectivement. Puis en fait, il y a des impacts qui sont pas calculés parce que quand on pense seulement en termes d'émissions carbonées, d'émissions de gaz carbonique, on tient pas compte, par exemple, de ce que ça prend pour faire une batterie lithium-ion, qui sont les batteries les plus utilisées dans les véhicules automobiles électriques et aussi dans les composantes comme les téléphones cellulaires et les ordinateurs portables. L'extraction du lithium, c'est une industrie minière hyper polluante. Il y a de faibles quantités de lithium sur la planète et on doit extraire beaucoup de minéraux, de matériel pour arriver à avoir une production suffisante. Donc, il y a tous ces impacts-là qui sont pas... Une batterie qui dure 8 ans, alors. Qu'est-ce qu'on fait après 8 ans? Dans 8 ans, qu'est-ce qu'on fera de nos batteries de voitures électriques là, qui on veut atteindre d'ailleurs en lançant la politique d'électrification des transports ce vendredi, hier, le ministre du Développement durable, si on peut s'exprimer ici, avec toute une panoplie d'autres ministres, ont lancé un projet où on vise d'avoir 100 000 voitures électriques. On peut voir le bon côté des choses, mais il y a aussi l'autre côté de la médaille qu'il faut analyser. Est-ce que vraiment ce sera la solution? Oui, pour diminuer l'émanation des gaz à effet de serre et utiliser l'hydroélectricité du Québec qu'on a en surplus. Mais pour combien de temps? Il y a d'autres problèmes que le mode de vie, justement. J'étais à une table ronde cette semaine avec 4 chercheurs de Normandie, invités par l'Institut Hydro-Québec EDS de l'Université Laval, qui font souvent des débats très intéressants. D'ailleurs, deux cette semaine, un lundi puis un vendredi. Vendredi hier. Et puis... un des chercheurs mentionnait que, dans le fond, la planète est faite pour 11 milliards d'habitants. Il faut aussi s'intéresser à la démographie. On aura beau diminuer tout, prendre des décisions de notre propre mode de vie, mais si on est deux fois plus d'humains sur la planète, on a d'autres problèmes. Il y a des solutions, des fois mathématiques, à ça, mais souvent les religions vont empêcher les gens de ne pas avoir d'enfants, par exemple, ou d'en avoir moins. Donc, le progrès, est-ce que c'est aussi de s'intéresser aux phénomènes démographiques? Ben en fait, là, ça pose évidemment plusieurs questions. Soulever la question démographique, je pense que sans remettre en question le paradigme sur lequel repose notamment l'automobile individuelle, mais aussi l'ensemble des processus de développement technologique, on pourra pas s'en sortir. Ce sera pas c'est pas parce qu'on est une grande population sur la Terre qu'on va nécessairement avoir un mode de vie qui soit néfaste pour la planète. Il y a évidemment d'un côté cette question du progrès-là soulève évidemment le fait que on semble, puis je pense que c'est un sentiment qui est assez largement partagé, du moins par ceux et celles qui sont concernés par l'avenir de la planète et de la société, qu'on est comme à bord d'un train fou qui quelque part, à un moment dans l'histoire, aurait congédié son chauffeur, ou le chauffeur aurait lui-même accepté d'être de faire partie des passagers puis de laisser le pilote automatique. Il y a un peu ce sentiment-là qui est désigné par la critique actuelle du progrès. L'autre tendance ou l'autre dimension qui est importante à souligner, puis qui m'apparaît beaucoup plus problématique, et je pense que tout est là, c'est qu'en fait, le progrès, quand j'expliquais tout à l'heure, le progrès qu'un grand pays voulait fonder l'ordre social sur le sujet individuel rationnel, hein. On a fait reposer toutes nos institutions sur la liberté individuelle, sur le libre consentement, sur la liberté des personnes. Alors, ce qui se passe, c'est qu'une fois que l'ordre social repose effectivement sur la liberté individuelle, et que cet ordre social-là n'a plus devant lui une principauté ou une monarchie ou des forces sociales qui se revendiquent encore de la tradition, ben, ce qu'on se rend compte depuis déjà deux siècles, c'est qu'on assiste à un individualisme qui est lui aussi émancipé de tout. On a un individualisme qui revendique de la même manière que le progrès le faisait, que l'ordre social repose sur lui-même, mais qui se sait ou qui se veut aujourd'hui émancipé ou désenclavé de la société. Et là, je pense qu'on a vraiment un gros problème de ce côté-là, dans le sens où, et moi, c'est un peu la contribution que je vais faire mercredi, c'est que, aussi bien à gauche qu'à droite, on a de la difficulté à nous raccorder avec les institutions qui fabriquent le ciment social et qui fabriquent notre capacité collective à prendre en charge notre destin. Et je m'explique, à droite, on connaît très bien les forces qui vont dans ce sens-là, c'est les libertariens, et c'est globalement tous ceux qui sont inspirés de l'idéologie néolibérale. Mais à gauche, on peut quand même dire qu'il y a aussi des vecteurs d'individualisation qui aujourd'hui, je parle vraiment dans la gauche, ou dans certains courants de la gauche, qui veulent se délester de tout ce qui est un poids à l'égard, tout ce qui apparaît comme une contrainte ou une autorité à l'égard de leur liberté. Et donc, évidemment, ça complique largement les problèmes, largement la situation pour recomposer un ordre qui fasse sens, qui soit apparemment juste pour plusieurs personnes et qui puisse en même temps reposer sur des institutions qui vont être nécessaires pour reprendre le contrôle sur le train fou dont je parlais. Puis on pourrait même dire que à gauche on retrouve aussi un peu de cet aveuglement volontaire vis-à-vis de la technoscience. Ça se manifeste par comment dire une vision idéalisée de la méthode scientifique, de ce qu'elle devrait être et de ce qu'elle est. La méthode scientifique en soi, je pense qu'on personne remet ça en question. Sauf que la science actuelle, et ça c'est pas toujours tenu en compte par même des progressistes, des gens de la gauche, la science actuelle évolue dans un contexte précis qui est marqué par des forces très très importantes, des forces capitalistes pour les nommer. Donc elle est sous influence, la science. Elle est de plus en plus, on la conditionne à être au service d'intérêts mercantiles. Puis ça vient fausser la dynamique. Ça vient et ça malheureusement même encore aujourd'hui, c'est pas reconnu vraiment à son plein effet, même au sein de la gauche. On le voit même dans le domaine de l'environnement, hein. On parle de diminuer l'émanation des gaz à effet de serre, mais il y a des gens qui disent non, la solution, c'est qu'on va faire confiance en nos scientifiques, ils vont trouver des solutions pour qu'il y ait la captation de monoxyde de carbone qui se fasse. Donc, pas qu'on change notre mode de vie, qu'on progresse vers une meilleure qualité de vie en changeant nos actions, non. On va continuer à consommer autant, puis à produire autant dans le productivisme, mais il y a un chercheur quelque part qui va nous trouver une solution pour que la merde que je produis soit éliminée par une opération du Saint-Esprit. Exactement, et cette solution, ça serait encore mieux si elle était payante pour quelqu'un. Oui, et si vous avez déjà des questions en tête, je parle à nos auditeurs, gardez-les. Puisque vous pouvez gagner une revue relation en appelant au numéro 418-640-1586 ou vous rendre mercredi à 19h30 au Centre Frédéric Bach pour pouvoir poser vos questions directement à Dominique Bernier et François L'Italien et M. Jean-Claude Ravec est là. Mais à Montréal, eux, ils ont d'autres invités. Et ils font ça le 22 octobre. Si jamais vous êtes de passage à Montréal, au café L'Artère, 7000 Avenue du Parc, eh bien, il y a M. Yves-Marie Abraham, professeur de sociologie au HEC de Montréal et co-directeur du livre qui vient tout juste de sortir. D'ailleurs, j'attends ma copie pour pouvoir mieux comprendre ce qu'il veut exprimer dans ce titre « Creuser jusqu'où? Extractivisme et limites à la croissance » aux éditions Éco-Société. Donc, restez avec nous. Mon rap est pas trop pro gangsta, y'est pas trop pro ganja. C'est un temps pas pro langage. À quel point tu casses quand je jack, j'suis long clocasse. Bel et bien biaisé, tu te fais pas se baiser, but chahute dans la carotte. Non, parle-moi pas de West Coast, East Coast, Tipico, Bacabana. J'ai pas cabane au Granada, t'es mal. J'reste à rue l'esplanade. Montréal, mon manifeste, festivement. Split, t'es dingue. Attends, si, mon mec, ma bouche, chapouille, chat ta bouche, pis French en français. Smash Jack Ass, t'as l'air de penser que j'parle la langue des fat ass. Fat ass, si on sait que j'vais fast. Tu veux j'm'en vite, faut que ça aille vite. Faut que t'entres dans le mantra. J'évite ceux qui me disent d'éviter quoi que ce soit. J'prends la place, c'est parce que j'veux pas que mon peuple se fasse. Enculé au pied du murmure. J'prends la place, parce que j'veux pas que mon peuple se fasse. Saute dans l'assaut, murmure à murmure. J'prends la place, parce que j'veux faire à toute la populace. Des grimaces, un casse avec ma langue. Celle avec laquelle j'mange des mangues. Celle avec laquelle j'me sors ta gangue. Marianne, dis donc, qui tic qui tic tong. Yes, it's a different tongue. Une langue de banquise, conquise, soumise, oubliée. Une langue de tsoi, moi, pis toi. Elle reste en langue de roué. Roué par le propre de toutes les francophobes. Pis les snobs du club. J'fais ma trace, transgresse dans la lande, allégresse et crissement risqué pour qui cherche ta race. Sache que c'est pour mieux que t'embrasser. J'vois ma larmée, pour raison ma larmée. Cinq sens, c'est une langue qui mélange, sont-tu des guéguerres? Langage et politique, si j'en suis tributaire, l'esprit grégaire. Reste pas trop mon trip, ce qui m'empêche pas d'être patriotique. Au contraire, tu penses que j'fais le split, j'm'explique, j'milite pour une poésie elliptique où bruit le silence. Sourd, les accents de ma syntaxe, identelle mystique, la vigilance. Allégorique, métaphore euphorique, à dire ce monde métaphorique. À grand renfort d'aphorisme de sémaphore, c'est ma force phosphorescente qui me fait signe. singulier, mais j'adviens pluriel. Je serai plus qu'une kyrielle, Dieu qui se Dieu, re-Dieu. T'es deux fois deux fois deux fois deux fois deux à la deux endroits à la fois qui font flèche de toute foi. Dieu que euphorise à l'idée de courber autant d'espace-temps, c'est épatant, mais c'est pas tant. J'attends ce moment, ça tente, mais t'as pas dans le temps. Parce que pour l'instant, j'ai rien que j'avais qu'artiste, statique, anti-statique, architecte à l'attaque, à l'éthique, attaque à tes tactiques. Je m'inquiète des étiquettes et triquer tout, des trucs et trop tronqués. T'es comme traqué, et puis la traque et tracé. C'est triste et j'insiste pour faire la mienne. Ma trace me souvienne, ma race et de ma chaîne de vision musicale enchâssée dans ma constitution vitale. Pendant que tu fixes l'œil musical, nos propos subliminales, s'insinuent et séminales. T'es comme sur les gardénales, une bacchanale, une orgie d'analogie. Signe qui cligne de symboles qui résonnent comme des cymbales. Je crimpale, l'assaut ton cerveau par la parole, l'oral ourlé, l'ibarac, t'as l'oral bol. T'es pas pour les paraboles à vol, pas clair. L'obscur fait toute ta lumière sur la vérité, vide la mer. S'il faut que je puisse enfin me reposer, je fais ma trace, le timox m'accroche à ce qui m'arrasse. Le paradoxe, pour me défaire de tout, il faut que tout m'appartienne. Tu me trouves saf. Et merci Locolocas de nous être manifestif avec nous. Par la voix des ondes téléphoniques, Yves-Marie Abraham, professeur de sociologie à HEC Montréal et co-directeur du livre Creuser jusqu'au extractivisme et limite à la croissance aux éditions Éco-Société. Monsieur Abraham, je vais voir vous interviewer quand j'aurai reçu le livre pour pouvoir le lire et qu'on puisse en parler un peu plus. Mais là, je veux surtout qu'on aborde la belle soirée relation qui se déroulera à Montréal le jeudi 22 octobre de 19h à 21h au Café L'Artère. Qu'avez-vous à dire sur comment se sortir des impasses du progrès? Bonjour d'abord, donc merci de me donner un peu de temps d'antenne pour en parler. En fait, le petit texte que j'ai fait pour Relations n'indique pas vraiment de direction, enfin de direction précise et pratique sur la sortie de cette impasse. J'essaye plutôt de montrer en quoi il y a impasse ou quel problème pose le progrès technique. Donc en résumé, l'idée que je tente de faire passer, qui est pas une idée personnelle, hein, je ne fais que emprunter à d'autres, ce serait que nos techniques qui sont essentiellement fondées sur des machines, donc c'est la dimension machinique qui est en cause ici. Nos techniques ont tendance en fait à nous asservir, c'est-à-dire ce qu'on pense encore comme des moyens en fait sont plutôt en train de devenir des fins et nous qui devrions être la fin, nous sommes les moyens de ces techniques, nous sommes au service d'un certain nombre de nos machines dans une large mesure aujourd'hui. Alors le cas le plus évident, le plus emblématique, c'est celui de l'automobile. Continuer à voir l'automobile comme un moyen de déplacement, c'est quelque chose de très ridicule quand on essaye de considérer le système colossal qui est nécessaire au fait de pouvoir faire fonctionner une automobile. Hein. Donc ce sont quantité de très grosses industries qui sont impliquées derrière. Y compris l'industrie d'armement, puisque pour garantir l'accès au pétrole, bah, il faut parfois aller faire la guerre à l'autre bout du monde. Hein. Donc faire conduire une automobile, c'est ça. C'est aussi évidemment construire des routes, un réseau toujours plus étendu pour que ça fonctionne. Donc il y a un système considérable dans lequel s'insère ce moyen. Mais comment prétendre qu'on en a le contrôle, comment prétendre effectivement que c'est un simple moyen, ben, à mon avis c'est pas tenable. Donc voilà pour l'idée de départ du texte. Donc l'annonce de l'électrification des transports, est-ce que c'est une solution progressive vers le progrès? Alors ben écoutez, non, en toute rigueur non, tout dépend comment c'est pensé, mais comme le dit un de mes amis, Philippe Gauthier, l'automobile électrique qu'on présente comme un moyen de sauver la planète, c'est surtout un moyen d'essayer de sauver l'automobile. Oui, alors il faut très très probablement sortir de la civilisation de l'automobile, ça c'est certain. Pourquoi pas, c'est quand même, ça reste une invention assez extraordinaire. Bon, on pourrait imaginer à titre transitoire d'avoir des pools d'auto qui seraient partageables dans un premier temps. Donc comme tente de le faire Communauto, mais Communauto est coincé. Hein, au-delà de la question technique et la question économique, Communauto, on le voit aujourd'hui, est sous concurrence maintenant d'autres entreprises. Et je suis pas sûr que finalement les finalités qui s'étaient données au départ, qui étaient d'essayer de nous déshabituer de la voiture, je suis pas sûr qu'ils vont pouvoir continuer à travailler vraiment dans cette direction, parce qu'il faut qu'ils le vendent leur service. Donc il faut qu'on en consomme mine de rien de l'automobile. Mais bon, il y a quand même une idée intéressante autour de cette idée de partage. C'est clair qu'on le constate dès qu'on embarque dans un système comme celui-là, on consomme quand même moins d'automobiles et donc on est quand même sur la bonne voie. Mais le vrai objectif, ce serait effectivement qu'on n'ait plus besoin de cette machine, ou qu'on ait très très peu besoin, quoi. François l'Italien, je semblais vouloir réagir. Oui, ben je... Salut François. Salut Yves-Marie, je suis tout à fait d'accord avec Yves-Marie, avec ce que ça va complètement dans le prolongement de ce que Dominique disait tout à l'heure, que la civilisation actuelle dépend largement du paradigme automobile individuel. Puis il y a quelque chose de symptomatique dans l'annonce du Parti libéral de vouloir électrifier les transports par le biais de quelque chose qui va à l'inverse de là où on doit aller. Les transports collectifs au Québec, il y a déjà une expertise, il y a déjà les bases industrielles, il y a déjà le savoir-faire. On a de l'hydroélectricité, à plus quoi savoir en faire. Ouais. Et on fait des annonces qui, dans le fond, comme le dit Yves-Marie, qui c'est son ami, vise d'abord et avant tout à sauver un mode de vie, à sauver un paradigme pour le rendre acceptable. Alors qu'en fait, on aurait tout ici pour commencer déjà à faire ce qu'en Europe, on tend à vouloir imposer maintenant de manière beaucoup plus politique qu'économique. C'est-à-dire de contraindre tous ceux qui ont les capacités de le faire, que de balancer vers le transport collectif. On vise à sauver un modèle économique aussi, je pense. Oui. Et à sauver la job du vendeur de chars, comme je dirais. En mémoire, je suis allé au projet Cosfer il y a une couple de semaines à Brome, où essayer une voiture électrique, la Volt, qui va devenir une Bolt éventuellement. Ouais. Mais les arguments de vente du vendeur étaient vraiment les mêmes que la voiture qu'on connaît. Ouais. Et il disait que j'aurais beau vouloir en vendre plus, de toute façon, il manque de voitures à vendre. Parce qu'une loi qui a été faite dans des États au sud du Canada, là, aux États-Unis, il y a quelques États qui ont une loi émission zéro. Et à cause de ça, toutes les voitures électriques produites au Canada, même en Ontario, sont même pas pour le marché canadien, mais pour le marché américain. Puisque eux, avec leur loi d'émission zéro, sont obligés, sinon les constructeurs vont avoir des amendes très importantes, sont obligés d'en vendre un certain nombre, un certain pourcentage de voitures du parc automobile de certains États sont obligés d'être électriques. Alors qu'ici, on annonce une politique d'électrification du transport avec du bonus-malus, autrement dit une subvention de 8 000 $, c'est pas ça. Il faut tout simplement faire un règlement qui coûte rien à l'État, de dire émission zéro, et ça, ben ça inclut les piétons et les gens qui se prennent ça à vélo. Mais donc je suis entièrement d'accord avec vous. Par contre, c'est une des caractéristiques de nos techniques industrielles et de certaines de nos machines, c'est qu'elles se rendent effectivement indispensables, en ce sens que elles vont favoriser en fait un développement, par exemple, de notre aménagement du territoire, qui va les rendre indispensables. C'est-à-dire que là, c'est là où on bute sur nos contradictions, c'est que oui, il faudrait effectivement sortir de la voiture, sauf qu'aujourd'hui, de fait, beaucoup d'humains ont réellement besoin de voiture encore. C'est-à-dire qu'on peut pas penser la banlieue sans la voiture, en fait. C'est quasiment impossible. On peut penser un transport en commun, c'est assez efficace, je pense, dans une ville, et on peut y voir vraiment un moyen de remplacement ou un transitoire intéressant. Mais pour maintenir en même temps notre forme d'urbanisme, ça va pas, parce qu'il y a aussi des millions d'humains qui sont vraiment très très dépendants de la voiture aujourd'hui. Donc c'est là qu'on a un frein. Il y a le frein économique, comme le disait Dominique tout à l'heure, il y a un modèle économique derrière, mais il y a une vraie contrainte. C'est la force de ces techniques, d'une certaine façon, c'est qu'elles se rendent réellement indispensables, ce que Illich appelait le monopole radical, c'est-à-dire qu'on peut choisir le type de voiture qu'on va utiliser, on peut choisir sa marque, sa couleur, etc. Mais par contre, dans un certain nombre de circonstances, on est vraiment contraint à la bagnole. Donc il faut, ça impose d'aller au-delà de simplement taxer, interdire. C'est qu'à ce moment-là, il faut repenser aussi notre façon de vivre fondamentalement, et notamment cette façon de vivre qui impose qu'on se déplace. Parce que pourquoi il y a des voitures, pourquoi il y a des téléphones portables, parce qu'on est loin des gens dont on a besoin, des gens qu'on a envie de voir, des gens. Donc il y a une façon de vivre, une façon d'habiter le monde qui est très problématique et qui suscite un réel besoin de certains de ces outils qui sont problématiques aujourd'hui. Donc la bonne vie, comme suggérait Illich, c'est que la bonne vie, c'est pas de vivre dans un endroit où on est tellement bien qu'on n'a pas besoin d'en sortir. Enfin, on peut avoir envie d'en sortir pour aller voir le monde, pour aller voir d'autres humains, pour aller mais un endroit où on serait quand même suffisamment bien pour qu'il n'y ait pas une nécessité d'en sortir. Or aujourd'hui, on est effectivement dans l'obligation, bien souvent, d'utiliser la voiture. On est dans l'obligation d'utiliser un truc comme le téléphone intelligent, etc. Ben, Yves-Marie Abraham, merci beaucoup d'avoir été avec nous par la voie téléphonique. Et pour ceux qui veulent vous entendre et en savoir un peu plus comment sortir des impasses du progrès, à Montréal, le jeudi 22 octobre de 19h à 21h au Café L'Artère, vous serez en compagnie de Joëlle Deschambault, directrice des opérations Action Group on Erosion, du ETC Group, en fait, et Éric Martin, professeur de philosophie au Cégep Édouard Montpetit et membre du groupe interuniversitaire d'études et de postmodernité. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. Salut à tout le monde. À bientôt. Au revoir. Salut. La revue Planche sort ses couleurs. Sous la couverture de Richard Suicide, Simon Labelle surprend par son humour acide. Et Martin PM offre un récit très recherché sur les rapports entre la politique et les caribous. Pour cette cinquième parution, une nouvelle rubrique voit le jour. Sur l'autre feuille, explore les carnets de croquis de certains auteurs pour offrir un regard nouveau sur leur travail. Pour l'inaugurer, Jimmy Beaulieu dévoile une partie de ce qui lui passe par la tête. La revue Planche, en kiosque dès maintenant. Vous avez une carte de membre de CKRL? Économisez 15% au Café Castello, 2909 Première Avenue. CaféPremièreAvenue.com. La carte de membre de CKRL, c'est pratico-économique. Tant pis pour les belles d'été, je préfère te garder. Après un an et demi de tournée à travers le Québec, Raton Lover fait son retour en salle au Cercle le jeudi 19 novembre à 20h avec Mauve et Gaël Faure en première partie. T'es ma lumière, t'es mon tunnel, moi je resterai ton échelle. Billets en vente à la boutique Le Knockout, à la billetterie du Cercle et en ligne sur lepointdevente.com. Au détour de l'hiver, j'irai chauffer ta chair. Eh bien, bienvenue au Grain de Sable. On est en pleine discussion avec François l'Italien. Merci d'être resté avec nous. Dominique Bernier, Jacques B. Gélina avec nous. Et d'ailleurs, je vais vous faire une confidence, Monsieur Gélina. Mon livre de chevet de ce temps-ci, c'est le néo-libre-échange, l'hypercollusion business-politique. Et quoi de mieux que vous avoir en studio avec nous pour parler de cette montée de l'idéologie néolibérale qui a été mise sur papier, en tout cas une première version, une sorte de draft... dans le Transpacifique. Je veux absolument qu'on parle de ça. Et Dominique, tu peux intervenir. Que pensez-vous de cette entente qui est en voie de devenir peut-être adoptée par des parlements de plus de 12 pays? Déjà, Mme Hillary Clinton a dit qu'elle était contre. Donc, si un jour elle est présidente, elle pourra déchirer le papier. Certains candidats aux élections fédérales actuelles veulent déchirer le papier avant même de l'avoir lu. Quelle est votre première impression? La première impression, c'est que c'est beaucoup pire que ce dont on a parlé dans la campagne électorale. Le traité transpacifique s'est invité dans la campagne électorale parce que c'est le 5 octobre qu'on a conclu l'accord, c'est-à-dire qu'il a été paraffé par les ministres du commerce des différents pays. Et pendant la campagne électorale, on a surtout parlé que ça mettait en péril la gestion de l'offre. Ceux qui étaient en colère aussi, c'était les travailleurs de l'industrie automobile de l'Ontario. Donc, on a parlé de ça parce que là, les gens étaient en colère dans ces deux secteurs-là. On a parlé aussi que ça allait abolir des barrières tarifaires, donc qu'on pourrait vendre plus de bleuets à l'étranger, plus de sirop d'érable. Et enfin... Mais on n'a pas parlé de l'essentiel. L'essentiel, c'est que ce traité-là, c'est un coup sournois, dévastateur, contre la démocratie. Parce que quand nos politiciens signent ou endossent ce genre de traité, c'est pas le premier dans ce genre-là, mais c'est le pire, disons, avec le traité transatlantique et le traité Canada-européen. Quand ils signent ces accords, les endossent, ils renoncent à une grande partie de leur pouvoir de légiférer. C'est terrible. Le traité transpacifique compte 32 chapitres. On pense de fait que ça porte sur les barrettes tarifaires. C'est pas du tout ça. Un petit peu, évidemment. Mais sur les 32 chapitres, il y a seulement deux chapitres qui traitent du commerce. Le reste traite de l'investissement, des normes gouvernementales qui vont être abaissées. Donc, une attaque à la démocratie frontale. Oui. D'ailleurs, ça se remarque dans le chapitre sur la propriété intellectuelle qui a été coulé par WikiLeaks cette semaine. Écoutez, je vous en parle, là, j'ai des frissons, là, parce que sérieusement, c'est vraiment horrible là, ce qu'on retrouve dans ce chapitre-là. On parle notamment d'une prolongation des brevets sur les médicaments d'origine. Ça veut dire que beaucoup de pays qui n'avaient pas de qui n'avaient pas de délai prescrit entre la sortie d'un médicament d'origine puis la sortie du générique vont devoir mettre de 5 ans à 8 ans. Donc, ça retarde l'entrée sur le marché de médicaments à plus faible coût. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire des augmentations de coûts pour les systèmes de santé publique, mais aussi ça veut dire des gens qui potentiellement vont en mourir, là, qui n'auront pas accès aux médicaments parce que les médicaments d'origine peuvent être jusqu'à 100 fois plus chers là, que les médicaments génériques. Ça dépend du type de médicament. Ils veulent mettre aussi des protections sur les médicaments d'origine biologique qui souvent ne peuvent pas être brevetés. Des protections de propriété intellectuelle là-dessus. Ils veulent obliger les pays à se conformer à l'UPOV 91. L'UPOV 91, c'est la protection, c'est une norme de propriété intellectuelle sur les semences qui vise en fait, ça a été adopté par le Canada il y a 2 ans. Mais là, on veut que tous les pays, y compris des petits pays du Pacifique, adoptent la même norme. C'est une norme qui fait en sorte qui requiert des protections de propriété intellectuelle sur l'ensemble des variétés végétales de 20 à 25 ans et qui empêche les producteurs agricoles d'échanger entre eux leurs semences. Ça, peut-être que pour le Canada, à l'heure actuelle, c'est pas un gros enjeu parce que l'échange de semences est plus rare, quoi qu'il en reste. Mais pour des pays comme Brunei, comme le Vietnam, ça peut faire la différence entre... C'est une perte de souveraineté alimentaire complète, là. Ça fait en sorte que les petits producteurs paysans deviennent dépendants des multinationales de l'agro-industrie. Comme Claude Vaillancourt le dit dans le communiqué de presse d'Attaque Québec, d'ailleurs, je vous invite à aller voir le site Attaque Québec. Il y a deux communiqués de presse qui vous donnent un peu des bons argumentaires. Donc, on ne parle pas juste de la gestion de l'offre puis du prix des médicaments dans cette future entente. Oui, alors, je voudrais dire de quelle façon le traité attaque la démocratie. Premièrement, ce qui est le plus incroyable, c'est que le traité institue un tribunal privé au-dessus de nos tribunaux nationaux, au-dessus de la Cour suprême, un tribunal sans appel, composé de 5 juges, des avocats, évidemment, c'est des grands bureaux d'avocats, parce que c'est très bien payé, ces avocats-là, c'est 500$ minimum de l'heure. Alors, vous comprenez que c'est très couru. Donc, par ce tribunal-là, les investisseurs peuvent aller poursuivre en justice les gouvernements, non pas parce qu'ils sont dictatoriaux, mais parce qu'ils sont trop démocratiques, parce qu'ils veulent légiférer sur l'environnement, les droits sociaux, les richesses naturelles. Donc, les investisseurs peuvent aller mettre les gouvernements donc en accusation. Alors, le Canada a déjà été poursuivi plusieurs fois. D'ailleurs, c'est depuis l'ALENA que ça existe, ça, depuis 94. Alors, mais là, cette fois-là, c'est encore pire. Alors, une autre façon de mettre en danger la démocratie, c'est que le traité attaque les barrières non tarifaires. Les barrières non tarifaires, ça veut dire quoi? Ça veut dire en amont des douanes, c'est-à-dire dans les législations nationales. Donc, les 30 chapitres qui ne sont pas strictement commerciaux, c'est à ça qu'ils s'attaquent, comme le disait tantôt là, Mme Bernier. Alors, ils s'attaquent aux règlements nationaux. Donc, les gouvernements, par exemple, vont être obligés de mettre sur Internet leur législation qui devront être approuvées, pour ainsi dire, par les multinationales. On appelle ça la coopération régulatrice. On va permettre aux multinationales, hein, ça prend beaucoup de chapitres pour expliquer ça, on va permettre aux multinationales d'examiner les législations avant qu'ils passent au Parlement, un peu comme on le fait en Grèce actuellement. Alors, pour que ce ne soit pas des législations ou des règlements qui vont nuire à l'économie. Oui, puis c'est en fait, non seulement il ne faut pas que ça nuise à l'économie, mais ces traités-là viennent nuire à l'économie, viennent nuire à l'innovation, viennent nuire au commerce. C'est des accords de libre-échange, mais ça vient nuire au commerce. Pourquoi? Parce que ça favorise les monopoles, favorise les plus gros joueurs et ça affaiblit toute capacité des plus petits de tirer leur épingle du jeu dans tout ça. Et ils vont aussi essayer le peu de réglementation financière et monétaire qui avait été voté depuis la crise financière de 2008, ils vont essayer d'éliminer ça, parce que ça nuit au libre investissement. Alors, une autre façon, donc, c'est la protection des investisseurs qui vont avoir droit au traitement national, c'est-à-dire que les compagnies nationales ne pourront pas avoir un traitement privilégié par rapport aux investisseurs internationaux. On appelle ça la clause du traitement national. Donc, c'est épouvantable. Avec ça, il n'y a aucune politique industrielle qui est possible pour un pays. C'est l'une des raisons. D'ailleurs, ça ne sera pas tout à fait nouveau. Mais là, ça prend du temps, vraiment, à enlever toute la démocratie qu'il y a dans les esprits. Donc, depuis les années 80... 90 surtout, on s'applique traité après traité à essayer d'aller plus profondément dans cette démolition de la démocratie. Ce que Jacques Gélinas dit est tout à fait essentiel pour comprendre le fait que dans la présentation qui est faite de ce type de traité-là, on parle de libre-échange, on parle de développement économique, mais effectivement, c'est des concepts zombies, c'est-à-dire ce sont des concepts qui sont morts vivants et qui cachent en fait une autre réalité qui est beaucoup plus importante aux yeux de ceux qui en font la promotion et qui est celle des investisseurs. Et qui sont les investisseurs? Ben, c'est pas vous, moi ou quelques-uns qui avons un 50$ par mois à mettre de côté dans un compte à 0,3% d'épargne. C'est des grands fonds d'investissement qui ont énormément d'épargne retraite capitalisée dans leur fonds et qui cherchent des occasions d'affaires dans un contexte où les taux d'intérêt sont bas, dans un contexte où la croissance économique est faible et donc cherchent des nouvelles occasions d'affaires. Et là où on essaie d'aller chercher le différentiel pour accroître un profit ou un rendement dans un fonds de pension ou dans un fonds capitalisé, bien évidemment, c'est en s'attaquant au marché asiatique. Et on le fait évidemment avec, en même temps, en se parant de toute intervention politique, comme vous le dites, des pays occidentaux. C'est une reprise, c'est un peu une reprise de l'accord multilatéraux sur les investissements qui avait été... L'AMI, oui, exactement, qui avait été... rejeté en même temps que la Exactement, CA. La France avait tiré la plug là-dessus en disant c'est absolument intolérable qu'on donne aux investisseurs un pouvoir supérieur à celui des parlements et des assemblées législatives. La France avait encore ce réflexe-là. L'AMI est enterré parce que c'était le gros deal. Cependant, vous avez raison de souligner, c'est les promoteurs des grands accords n'ont pas renoncé, ils ont seulement régionalisé ou pris à la pièce la matrice qui était derrière l'AMI, qui était celle de donner une constitution aux investisseurs et de mener une guerre de tranchées contre les parlements. Exactement, puis ça se voit un peu dans le fait que, si on prend la question du Chili, qui fait partie qui est membre des négociations du partenariat transpacifique. Avec qui on a déjà une entente. En fait, le Chili a des ententes avec l'ensemble des pays représentés sous le partenariat transpacifique. Il n'y a aucun intérêt, ils ont les meilleurs tarifs possibles aux douanes, ils ont déjà tout ça. Alors, quel est l'intérêt du Chili de participer à ces négociations-là si ce n'est pas de renégocier tout ça et d'offrir encore davantage de préséance à leur transnational. Aux aux droits, pas les droits, mais aux privilèges des grandes multinationales. Et la Chine n'est même pas inclue, hein, ce n'est que c'est un joueur important. Quand on parle d'un partenariat avec le Pacifique, quand on exclut la Chine, c'est comme si on excluait les États-Unis d'Amérique. Hein. Et d'ailleurs, les États-Unis d'Amérique, je sais, dans vos ouvrages plutôt scientifiques, M. Gélinas, vous faites référence à l'article 301 du Trade Agreement Act, qui existe encore, si je ne m'abuse, hein? Et ça annihile toutes sortes de traités de libre-échange que vous pourriez imaginer. C'est-à-dire que les États-Unis, eux, sont à la fois protectionnistes et libre-échangistes. Mais ils ne tolèrent pas que leurs partenaires fassent de même. C'est-à-dire qu'il y a une loi chez les Américains qui a été passée en 84, qui a été renforcée en 88, etc., qui s'appelle le Super 301, qui dit que le gouvernement américain ne tolérera pas que des partenaires non loyaux, hein, et, non fiables, s'attaquent à l'industrie américaine, aux compagnies américaines. Donc, ils vont intervenir chaque fois qu'une compagnie américaine sera un peu perjudiquée par un accord international. Ça a été confirmé, d'ailleurs, par un sénateur américain qui était venu à Ottawa et qui était interviewé par Turner, c'était en 88, quelque chose comme ça. Alors, le sénateur lui avait demandé, M. Turner avait demandé, est-ce que c'est une politique du Parti républicain ou des États-Unis? L'autre avait répondu, c'est une pratique du gouvernement des États-Unis. Donc, peu importe le parti au pouvoir. Et si on revient à la gestion de l'offre, parce que quand même quelque chose qui a soulevé beaucoup l'actualité, on a avec nous, par la voix des ondes téléphoniques, une porte-parole de monsieur, madame, tout le monde, une famille productrice laitière. Catherine, vous êtes bien avec nous? Oui. Alors, vous avez été agronome une bonne partie de votre vie, mais je ne m'abuse, donc c'est un domaine que vous connaissez très bien. Et pour vous, là, écoutez ces grands discours là, des gens qui connaissent bien ces ententes là, pour les analyser sur papier, mais vous, là, dans le fond, de votre belle chasse, de votre lobinière, de votre ferme laitière, comment vous vivez ça, la signature de ces ententes qu'on dit antidémocratiques, qu'on dit qu'on vous a laissé tomber? Comment on vit ça chez vous, dans le fond du Rhin, là? Bien, en fait, c'est sûr que les gens sont très déçus, là. Nous, ici, les producteurs, mon beau-père, depuis des années, il nous chante toujours la même chanson. Le jour où on laisse tomber la gestion de l'offre, qu'on laisse tomber les quotas, on met la clé dans la porte puis on fait autre chose, hein, parce que la réalité pour bien des fermes familiales là, qui sont encore à dimension humaine, là, qui sont pas rendues des super grosses fermes, là, ça protège les prix puis ça nous permet comme ça de faire de donner une stabilité là pour nos revenus. On est capable de faire des investissements, savoir qu'on va être capable de les payer dans tant d'années. Ça amène vraiment à recalculer vos choses. À calculer nos choses, à être capable de bien planifier, parce que c'est un domaine où les producteurs sont obligés d'investir énormément. Alors quand t'as pas de garantie de prix, ben là, ça devient extrêmement risqué, hein. On l'a vu, la crise du porc, on l'a vu, il y a eu le tiers des producteurs de porc qui sont tombés là dans les 10 dernières années, hein. Alors que l'industrie laitière, ben on s'est bien maintenu égal. Alors est-ce que c'est ça qu'on veut vivre pour les fermes laitières, les fermes de poulet, les œufs? C'est une bonne question à se poser, hein? Donc essentiellement, si l'entente est ratifiée, entérinée, il y a quand même quelques délais là. Vous avez le temps de vous retourner de bord, comme on dit. Mais on pense que tu sais, ça peut être à force d'avoir des brèches dans le système, ben ça peut commencer à être le début de la fin, des signaux, hein, des signaux négatifs. Hein. Déjà, on se fait voler une bonne partie de notre volume de production par des protéines laitières qui sont importées des États-Unis par les transformateurs. Fait que là, en plus, on va avoir, c'est ça, là, ce 3,25, ultimement, c'est plus 3,5, plus les ententes avec l'Europe, ça fait un 5% de part de marché. L'importation de fromage de plus aussi, ça va nuire à votre production. Ça. C'est ça. Juste cette entente-là, là, c'est à peu près 33 000 $ pour une ferme moyenne de revenus en moins. Oh. Fait que tu sais, ça a l'air de rien, mais puis là, mais on vous offre des questions, hein? On vous offre des programmes de compensation compensatoire. Je vois M. Gélina, il opine pas du bonnet, comme on dit. Puis vous, choisis pas, typique. Et pensez-vous que c'est suffisant ce qu'on semble vous offrir, là, des compensations, possibilités de... En fait, les compensations, ce qui est... moi, j'ai lu un peu des documents là, préliminaires envoyés par les producteurs de lait du Québec, là. Puis oui, c'est ça. Puis ils disent que dans le fond, les programmes de compensation n'arriveront pas à couvrir les pertes de revenus. Là. Ça reviendrait à peu près à 11 000 $ là, par année en moyenne. Oui, François. Oui, ben justement, c'est ce programme de compensation là, c'est une mesure transitoire, faut le dire. Ça ne durera pas éternellement. D'autre part, je veux dire, c'est une manière d'acheter la paix, de faire avaler la pilule. Comme disait, il y a une assemblée d'agriculteurs récemment qui ont posé des questions à Maxime Bernier, qui disait, écoute Maxime, nous autres, ce qui nous intéresse, c'est pas avoir du BS agricole. C'est, on veut travailler, puis on veut avoir les moyens de développer notre ferme. Comme vous le dites, Catherine, la gestion de l'offre, c'est quand même une super bonne manière de stabiliser les revenus, de permettre aussi à ce que vos investissements soient immobilisés sur le long terme. Là, dans le contexte où on est, c'est évident que le gouvernement en place n'a pas pris le leadership qu'il fallait pour faire en sorte que l'agriculture soit défendue comme la culture, c'est-à-dire qu'il y ait une exception qui soit autour de l'agriculture, parce qu'on le sait, l'agriculture, c'est un secteur économique qui est différent des autres secteurs économiques. Les risques pour les producteurs sont beaucoup plus grands, surtout lorsqu'elles sont assumées par des fermes familiales. C'est ça. Comme au Québec, on a un modèle agricole qui est fondé sur des fermes familiales, en tout cas, qui, à l'origine, il l'était, puis vous avez raison de le dire, qui est encore principalement assumé par des fermes familiales. Mais si on retire ces mécanismes de régulation publique-là, c'est évident qu'on s'enligne vers un modèle à l'américaine avec une consolidation, une intégration. C'est ça. Puis c'est ça. Là, il faut le voir que tout le système de gestion de l'offre, il n'y en a pas de subvention là, qui arrive du gouvernement. Là. C'est pas vos impôts là, qui aident les producteurs agricoles. C'est le fait que les frontières, on les ferme, qu'on se limite au marché intérieur. On produit pas plus que ça. Alors là, on va recevoir de la marchandise de l'étranger, mais nous, on n'en envoie pas là dans les marchés ailleurs. Là. Catherine, il y a des impacts aussi sur la qualité du produit, je pense. Hein, Bien sûr. Nous, il y a eu le programme Lait canadien de qualité qui s'est implanté au cours des dernières années. Ça a été une implantation progressive et maintenant, tout le monde s'est qualifié pour ça. Alors ça fait que toutes les vaches qui avaient un peu des problèmes de santé, là, qui pouvaient avoir des infections mineures, des choses comme ça, puis que ça paraissait là dans la qualité du lait, ben toutes ces vaches-là, on les élimine, les médicaments, c'est mieux contrôlé, toute la régie, là, tout est normé pour arriver vraiment à un produit du lait analysé. Et tout ça. Aux États-Unis, on n'a pas l'équivalent. Ouais, c'est pas toujours une question d'argent comme ça. Non. Ouais. La somatotrophine aussi, c'est un autre enjeu. Hein? Est-ce qu'on veut consommer du lait de vaches qui ont été piquées à l'hormone de croissance? Au Canada, on a choisi depuis plus que à peu près 15-20 ans là, de pas autoriser ce produit-là. Mais là, on va en avoir aussi. Eh bien, Catherine, merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est tout le temps qu'on a. Dominique Bernier, merci d'avoir été là. Et on se revoit dans les prochaines semaines, certainement. Jacques Bégélina, on veut vous avoir en chronique essentiellement sur des sujets. D'ailleurs, je lisais ce matin votre livre sur la globalisation. Et je me dis quasiment chaque chapitre pourrait être une capsule de 5 minutes. Et j'espère qu'on aura la chance de le faire pour vulgariser. En dehors de l'actualité, comme on a pu le faire, il y a des choses importantes à comprendre, à vulgariser. Merci, François L'Italien. Merci. Enseignement de l'alternative économique. Eh bien, on a fait un peu d'alternative économique aujourd'hui. Ah, beaucoup, je dirais même. Merci. Juste mentionner le nom complet de... C'est Catherine Drolet. Oui, je m'excuse. J'avais juste Catherine, puisque c'est une connaissance à Dominique. Alors, effectivement, merci Catherine Drolet et à sa famille qui ont pu nous donner l'information nécessaire. Alors, ne manquez pas mercredi 14 octobre à 19h au Centre Frédéric Bach pour entendre Dominique Bernier, François L'Italien et Jean-Claude Ravet sur... Comment sortir des impasses du progrès? C'est certainement pas avec des ententes de libre-échange. Téléchargez Le Grain de sable sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes. Kalachnikov, la compagnie, a décidé de refaire un branding, de refaire l'image du très vieux et quand même vénérable fusil, le AK-47. À partir de maintenant, le Kalachnikov, mesdames et messieurs, est une arme de paix. Toute l'actualité techno dans l'émission Les Geeks contre-attaquent dans un instant.